Deuxième livre des Chroniques, chapitre 15. Alors l'Esprit de Dieu fut sur Azaria fils d'Oded. C'est pourquoi il sortit au devant d'Aza, et lui dit, Aza, et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous tandis que vous êtes avec lui, et si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Or il y a déjà longtemps, qu'Israël est sans le vrai Dieu, sans sacrificateur enseignant, et sans loi. Mais lorsque dans leur angoisse ils se sont tournés vers l'Éternel le Dieu d'Israël, et qu'ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. En ce temps-là il n'y avait point de sûreté pour ceux qui voyageaient à cause, qu'il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Car une nation était foulée par l'autre, et une ville par l'autre, à cause que Dieu les avait troublés par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous, et que vos mains ne soient point lâches, car il y a une récompense pour vos œuvres. Or dès qu'Aza eut entendu ces paroles, et la prophétie d'Oded le prophète, il se fortifia, et il ôta les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises en la montagne d'Ephraïm, et renouvela l'autel de l'Éternel qui était devant le porche de l'Éternel. Puis il assembla tout Juda et tout Benjamin, et ceux d'Ephraïm, de Manassé, et de Siméon qui se tenaient avec eux, car plusieurs d'Israël s'étaient soumis à lui, voyant que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent donc à Jérusalem, le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza, et ils sacrifièrent en ce jour-là à l'Éternel 700 bœufs, et 7000 brebis, du butin qu'ils avaient amené. Et ils rentrèrent dans l'Alliance, pour rechercher l'Éternel le Dieu de leur père, de tout leur cœur, et de toute leur âme. Tellement qu'on devait faire mourir tous ceux qui ne rechercheraient point, l'Éternel le Dieu d'Israël, tant les petits que les grands, tant les hommes que les femmes. Et ils jurèrent à l'Éternel à haute voix, et avec de grands cris de joie, au son des trompettes, et des cors. Et tout Juda se réjouit de ce serment-là, parce qu'ils avaient juré de tout leur cœur, et qu'ils avaient recherché l'Éternel de toute leur affection. C'est pourquoi ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos tout alentour. Et même il ôta la régence à Maaca, mère du roi Aza, parce qu'elle avait fait un simulacre pour un bocage. De plus, Aza mit en pièces le simulacre qu'elle avait fait, il le brisa, et le brûla près du torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne furent point ôtés d'Israël, et néanmoins le cœur d'Aza fut droit tout le temps de sa vie. Et il remit dans la maison de Dieu, les choses que son père avait consacrées, et ce que lui-même aussi avait consacré, de l'argent, de l'or et des vaisseaux. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Aza.